Exercice 12, page 45. Les policiers en uniforme sont nombreux autour du canal. Ils empêchent les passants d'approcher du cadavre. Il n'a pas vraiment l'air d'un flic. Il a la même coupe de cheveux que les Beatles au début des années 60.